Pas de virus, pas de bactéries, pas de toxines, on peut y aller. Label Rock. Deux heures de son pas comme les autres. Pop rock, électro, reggae, world. Toute l'actualité des labels indés, tout de suite dans Label Rock. Bienvenue sur le podcast de l'émission Label Rock, une nouvelle semaine qui démarre, une nouvelle émission avec deux heures de musique pas comme les autres. Je vous ai concocté une petite playlist bien sympathique hein, ce soir avec un véritable voyage sonore puisqu'on va y aller tout doucement et puis on grimpera comme ça au cours de ces deux heures avant de redescendre tranquillement avec quelques notes d'électro. On commence donc cette émission avec un japonais, c'est pas souvent qu'on en a dans l'émission, ça fait plaisir, il s'appelle Susumu Yokota. Si vous ne le connaissez pas, bah sachez qu'il est tout simplement l'un des plus grands innovateurs de la musique électronique et qu'il est enfin de retour avec un nouvel album où franchement il est conseillé d'éteindre les lumières et de se laisser aller. L'album va sortir le 4 octobre chez Low Recordings, il porte le doux nom de Kaleidoscope et le communiqué de presse d'ailleurs qui parle d'hallucinations auditives, c'est pas faux. La preuve tout de suite avec un extrait de cet album, on y va tranquillement mais je vous ai dit c'est un véritable voyage ce soir dans Label Rock, c'est parti. Thank you. Thank you. get to come. No matter how I was no one. Because the worst was yet to come. Écoutez le son de Label Rock en cette semaine qui démarre le dimanche 13 septembre. Donc, avec pour commencer, premier morceau de l'émission, Susumu, Yokota, Pebble on the Edge of Breaking. Je vous rappelle que l'album s'appelle Kaleidoscope, qu'il sera disponible chez Local Recordings à partir du 4 octobre prochain. Juste après, c'était un extrait de l'album de Dean et Brita. Souvenez-vous, les anciens de Galaxy 500 et du groupe Luna. L'album s'appelle 13 Most Beautiful Songs for Andy Warhol's Screen Test, double CD qui comprend aussi quelques remixes signés notamment par Sonic Boom. C'est ce qu'on s'est écouté d'ailleurs, franchement excellente bande son qui prolonge, on va dire, avec élégance une certaine tradition du rock new-yorkais incarnée notamment par le Velvet Underground, puisqu'il s'agit là d'un énorme clin d'œil à monsieur Andy Warhol. L'album est disponible en France chez Different. Et puis à l'instant, la douce voix de l'artiste parisienne Mohini Gaisweiler, qui est mannequin à ses heures perdues et qu'on avait découvert il y a quelques années avec le groupe Sex in Dallas, et qui revient donc sur nos platines pour nous hanter avec un premier maxi Milk Thief Hippie. Voilà, 4 titres, 2 remixes, tous excellents d'ailleurs, remix signé par Pony Hawks et Kudlam. Ce maxi, bref, vous l'aurez compris, est plutôt essentiel, tout aussi frais, intime et captivant. Un extrait tout de suite du nouvel album de l'anglaise Martina Topley Bird. The memory of you, it feels like poison. Still the memory of you, it feels like poison. It kills like poison. Oh, oh. Why you do the things you do? It feels like poison. I can only love you. It feels like poison. If not for you, no love in front of me. Nobody told you it's not how it's supposed to be. Make a wish and blow it out. Oh,

petite série féminine comme on a l'habitude dans ce programme Label Rock avec la chanteuse anglaise Martina Topley Bird pour commencer. Nouvel album qui s'appelle, troisième album qui s'appelle Some Place Simple, un album enregistré en une semaine seulement qui combine des nouvelles compositions et des morceaux plus anciens. À savoir que c'est le troisième album déjà pour Martina, mais le premier pour le compte du label de Damon Albarn, le leader de Blur et de Gorillaz. Le label s'appelle Honest Jones. Et puis à l'instant, un album qui est sorti mi-mars, une chanteuse australienne du nom de Sarah Blasco. Elle a 33 ans et elle a sorti son troisième album. Elle est énorme en Australie, elle a mis du temps un petit peu à venir en Europe, mais l'album est distribué maintenant chez Dramatico Records. Voilà, l'album s'appelle As Day Follows Night. Savoir si vous avez aimé ce son, qu'elle sera un petit peu en tournée en France au mois de novembre et décembre, avec notamment une date au Big Band Café de Caen le samedi 27 novembre. Elle sera aussi du côté de la Laiterie à Strasbourg le mercredi 1er décembre, le jeudi 2 décembre à l'épicerie moderne de Lyon, et enfin une date du côté de Paris évidemment au Café de la Danse, ça sera le samedi 4 décembre prochain. On continue notre voyage sonore cette semaine dans l'émission avec 6 musiciens de Reims qu'on avait applaudi du côté des Mardis du Grand Marais. Souvenez-vous, à Riorch, c'était en janvier 2009. Ils reviennent donc de Bewitch Hands on Top of the Heads. Déjà à l'époque, c'était difficile à prononcer, c'est toujours aussi pas évident. En tout cas, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont un nouveau maxi qui s'appelle Hard to Cry, avec 5 titres psychédéliques qui annoncent, il me semble, un album pour l'automne. Il y a des dates, par contre, ça j'en suis sûr, avec une tournée en France en octobre et en novembre. Je vous annonce tout ça juste après un extrait. Ça s'appelle Hard to Cry. Deux groupes qui aiment leur musique bien psychée, les Français déjà de Bewitched Hands on Top of Their Heads, nouveau maxi, un 5 titres qui s'appelle Hard to Cry, avec dans la perspective d'un album normalement prévu pour l'automne. Ce qui est sûr, c'est qu'ils seront donc en tournée en France en octobre et en novembre avec beaucoup de dates. Ça va commencer le 29 octobre à l'Ubu à Rennes, le 30 octobre au festival Rocomotive du côté de Vendôme, puis à la Marquise de Lyon le 4 novembre, le 5 ils seront du côté de Mulhouse, le 6 à l'autre canal de Nancy, le 8 au Zénith dans la tournée des Inrecuptibles, c'est du côté de Paris évidemment, 10 novembre du côté de Marseille au cabaret Aléatoire, le 11 novembre place Secret du côté de Montpellier, le 12 au Cargo de Nuit de Arles, le 19 à l'EMB de Sannois, au Grand Mix de Tourcoing, ça sera le 20 novembre, le 24 au cabaret Vauban de Brest, le lendemain le 25 à l'Olympique de Nantes, le 26 au 6 par 4 de Laval, le 27 à la Nef d'Angoulême, 28-29 c'est repos quand même tout de même, le 30 novembre à la Laiterie du côté de Strasbourg, le 2 au Chabada d'Angers, le 3 décembre à la Roche-sur-Yon au Fusion, enfin le 9 décembre au Cargo de Caen et ils termineront leur tournée du côté de Rouen au 106, ça sera le 10 décembre prochain. Voilà un programme chargé pour les gens de Reims qui s'appellent donc The Bewitched Hands on Top of Their Heads. Voilà, et puis juste après, psychédélisme toujours avec un extrait du nouvel album du groupe Sound Carriers des Anglais qui enregistre sur le label de Manchester Melodic. Deuxième album qui s'appelle Céleste et franchement il porte bien son nom car il va plaire à tous les fans de pop psychédélique avec des petites touches un petit peu à la Stereolab et aussi à la Broadcast. Allez, on va quitter l'Angleterre, on va quitter la France aussi, on part direction l'Espagne, direction Barcelone, avec un groupe qui porte le nom d'une voiture célèbre dans les films Retour vers le futur, puisqu'il s'appelle DeLorean. L'album s'appelle Subiza, excellent mélange entre la pop et l'électro, la preuve en musique, ça s'appelle Real Love.

me nothing's wrong, nothing's wrong, nothing's wrong today. Tell me nothing's wrong, nothing's wrong, nothing's wrong today. D'électropop pour vous, bande de vénères, avec pour commencer DeLorean, donc Real Love. L'album s'appelle Subiza, disponible depuis quelques semaines sur le label Matador. Je vous rappelle que le label Matador est distribué évidemment en France par Beggars Banquet. Et puis à l'instant, un des titres du premier album du groupe mancunien Delphic, revisité ici par l'excellent anglais Paul Woolford, hein, comme d'habitude toujours très à l'aise et très efficace dans ses remixes. Puisqu'on parle de Paul Woolford et que je suis fan, j'en profite pour vous signaler qu'il vient d'ailleurs de sortir un maxi 4 titres qui s'appelle Bloodline EP, absolument incroyable. Voilà, de la très bonne techno donc, comme d'habitude, pour Paul Woolford. Bon, j'espère que vous avez la banane. Le prochain artiste, lui, l'a assurément. La preuve. Non, je ne veux plus jamais travailler, plutôt crever. Non, je n'irai plus jamais au supermarché, plutôt crever. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi. Sur la plage. Non, je ne veux plus jamais m'habiller, plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez. Plutôt crever. Non, mais laissez-moi, non, mais laissez-moi. Sur la plage. Oui, monsieur, je sais que ce sont vos enfants, mais quand ils me voient, ils rigolent tout le temps. attends, alors. Laissez-moi. Non mais laissez-moi. Non mais laissez-moi. Manger ma banane. Non mais laissez-moi. Finir ma banane. La Belle Rock. J'ai même pas mal et le sourire plutôt facile et j'aime pas mal. Quand l'eau arpente tes cils, tu me veux du mal. Et c'est presque légitime, je te fais du mal. Mais avant que tu combines, que tu me joues la grande déprime, bien avant de partir, je tenais à te dire bye bye my baby cry. T'as oublié deux, trois conneries, des disques de James Blunt et d'Obispo. Bye bye my baby cry, I'm not really feeling blue. Et puis c'est tout. Tu piches que dalle, tu trouves mes paroles puériles dans ce dédale. Tu rends mon départ difficile, je m'en fiche pas mal. On était tous sauf une dream team, je me fais la malle. Avant de commettre un crime, où je serais ta victime. Bien avant d'applaudir, je tenais à te dire bye bye my baby cry. T'as oublié deux, trois conneries, des disques de James Blunt et d'Obispo. Bye bye my baby cry, I'm not really feeling blue. Et puis c'est tout. Le coup fatal, avec un couteau de cuisine, putain j'ai mal. Sens comme un poids sur la poitrine qui devient pâle. Pourtant c'est mon hémoglobine, je vois des étoiles. Je vois aussi tes compiles de Sardou sur mes vieux vinyles. Avant mon dernier soupir, je tenais à te dire bye bye my baby cry. T'as oublié deux, trois conneries, des disques de James Blunt et d'Obispo. Bye bye my baby cry, I'm not really feeling blue. Bye bye my baby cry, t'as oublié deux, trois conneries, des disques de James Blunt et d'Obispo. Bye bye my baby cry, I'm not really feeling blue. Au fond d'un trou. Série française dans l'émission La Belle Rock avec un extrait du nouvel album de Catherine qui arrive le 27 septembre. Je vous rappelle aussi que si vous êtes en manque de Philippe Catherine, n'oubliez pas que chaque semaine vous pouvez retrouver une nouvelle reprise sur le site de Philippe Catherine. Il y en a 52 en tout. L'adresse c'est www.catherinefrancisetsespeintres.com. Et puis je vous rappelle aussi, si vous êtes fan de Philippe Catherine, qu'il sera au fil à Saint-Étienne. Ça sera en décembre prochain. Donc pour la promo de son nouvel album qui, je vous rappelle, sort le 27 septembre. Puisqu'on parle du fil, la nouvelle saison qui va repartir d'ailleurs le jeudi 23 septembre avec un événement en plein air et complètement gratuit, c'est la nuit du clip. Tous les détails évidemment de la programmation du fil, les liens et les sons sur www.le-fil.com. Et puis juste à l'instant, vous avez reconnu évidemment les deux voix qui se marient super bien de Sophie et d'Axel, les Tites Nacelles, extrait du nouvel album du duo rouennais donc qui sortira le 4 octobre prochain. L'album s'appelle Même Pas Mal. Sachez que si vous ne pouvez pas attendre le 4 octobre, il existe déjà un maxi 5 titres que vous pouvez télécharger sur toutes les bonnes plateformes de téléchargement légal. Et enfin, ils seront en concert le 18 septembre dans le cadre des Musicales de Vence à Péreux, voilà, au bourg de Péreux. Les Petites Nacelles, même pas mal, donc c'est le titre de l'album et le titre du morceau qu'on vient de s'écouter. On reste dans les artistes francophones avec un parisien du nom de Rob qui depuis l'an dernier travaille sur un projet un petit peu dingue. C'est un projet qui s'appelle Dodécalogue. En gros, chaque mois pendant un an, il produit un nouveau disque qui est consacré, accrochez-vous bien, à l'étude des évangiles et de ses apôtres. Voilà, et il signe « Soyez tous les bienvenus ». Et ben on y va dans l'église donc de Rob, ça s'appelle « De Maria », extrait du 4e volume. Vous écoutez Label Rock, alléluia. And you

Un petit peu de funk, un petit peu de soul et surtout beaucoup de groove dans ce programme ce soir. Patrice The Maker, nouveauté chez Because. Patrice, c'est un Allemand en fait, hein, du nom de Patrice, qui est basé à Cologne et qui vient de sortir son nouvel album qui s'appelle One. Franchement, l'album est vachement bien. Il y a beaucoup de dates, avec des dates prévues du côté de la région Rhône-Alpes. Le 24 octobre, il démarrera sa tournée à l'aéronef de Lille. Le 26, il sera du côté du centre culturel Jean Carmé à Mur-Rhin. Le 27, il sera du côté de Rennes aux Libertés. Le 29, au festival Insolent de Morlaix. Le 30, à la Trocardière de Rez. Le 31, à la Médoquine de Talence. Le 3 novembre, il sera à la coopérative de mai de Clermont-Ferrand. Le lendemain, au Zénith de Saint-Étienne. Et puis la tournée qui va continuer comme ça, avec évidemment des dates du côté de Marseille, Grenoble. Une autre, tiens, du côté du Rhône-Alpes, au Transborder de Lyon. Ça sera le 15 novembre prochain. La tournée qui s'arrête le 19 novembre avec la laiterie à Strasbourg. Encore plus de détails évidemment si vous allez sur son MySpace, hein, vous cliquez sur le lien que j'ai mis en ligne sur le site de Label Rock. Et puis évidemment le souvenir de la semaine, hein, dans Label Rock, souvenir de 1967 sur le premier album des Doors, qui s'appelle tout simplement The Doors. Un album qui s'était classé, qui est même classé en 42e position sur la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps. Et ceci, c'est le magazine Rolling Stone qui le dit. Voilà, The Doors. Allez, retour maintenant au rock indé avec un tout jeune groupe qui nous vient du nord de l'Angleterre. Ils viennent de Hull pour être parfaitement précis. Ils sont 4, ils se font appeler The Neat. On dit d'eux qu'ils ont capturé l'essence des premiers disques de Joy Division et qu'ils combinent ça avec l'agression et la confiance de Public Image Limited et Gang of Four. Et bah, à vous de juger, un extrait de The Neat tout de suite dans Label Rock. Ça s'appelle Ode to Joy. You're a brain surgeon, you're a brain surgeon, you're in China, man. Only you came to my party. Pull up blonde with you. vous avais promis en début d'émission un voyage sonore avec un début cool et puis ça allait forcément s'accélérer. Bah, c'est le moment où ça s'accélère. De Neat, nouveau single qui s'appelle Ode to Joy, tout premier single en fait. Hein, je dis nouveau, tout premier single, non même, puisque c'est un tout jeune groupe hein, qui vient du nord de l'Angleterre. Et puis après, en provenance de Strasbourg, quatre garçons qui forment un groupe qui s'appelle Plus Guest. On retrouve Jules à la batterie et aux vocaux, Thibaut à la guitare et vocaux, Chris basse et vocaux et Louis-Paul au chant principal. Le groupe qui a déjà largement parcouru l'Europe avec plus de 100 dates en moins d'une année dans des pays tels que la France bien évidemment, mais aussi l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche et la Belgique. Énormément d'énergie dans leurs morceaux et notamment sur leur premier album, c'est sur le label Def Rock Records et je vous rappelle donc le nom du groupe, il s'appelle Plus Guest. Et puis à l'instant un trio californien de Los Angeles très hype en ce moment, très à la mode hein, qui mélange habilement le rock garage, la pop surf et le lo-fi. Un album est sorti cet été avec comme single le Boyfriend qu'on vient de s'écouter, c'est sur le label Wichita, c'est distribué en France par coopérative et le groupe s'appelle Best Coast. L'album lui s'appelle Crazy For You, Crazy For Her on pourrait dire, puisqu'il y a beaucoup de charme hein, dans la voix de Bethany Constantino, c'est la chanteuse. Apparemment Thurston Moore des Sonic Youth les adore, peut-être vous les adorez aussi si vous voulez les mater. Il n'y a malheureusement qu'une seule date en France, ça sera le 3 décembre au Nouveau Casino de Paris. On laisse les États-Unis, on laisse la Californie, on remonte tout en haut où il fait un petit peu plus froid. Direction le Canada avec des Canadiens qui s'appellent Black Mountain. Nouvel album Wilderness Heart, troisième album en 6 ans et comme toujours c'est du haut de gamme. Coup de gueule quand même, hein. Juste une seule date en France encore une fois, c'est du côté de Paris. Et oui, le 4 octobre à la Maroquinerie. Les Black Mountain tout de suite dans la Belle Rock. Les Canadiens de Black Mountain pour commencer avec All the Things, premier single de leur nouvel album Wilderness Hearts. L'album va sortir très prochainement, troisième album, hein, je vous le disais, en 6 ans et c'est toujours aussi bon. Je vous disais aussi que malheureusement il n'y a qu'une date, c'est du côté de Paris à la Maroquinerie, ça sera le 4 octobre prochain. Et puis puisqu'on était sur le continent américain, on y reste avec à l'instant un trio californien qui s'appelle Autolux, ce trio qui vient de sortir son deuxième album Transit pour le compte du label ATP Recordings. Voilà du très bon son qui me rappelle un petit peu Sonic Youth par instant. Super Toys, c'est ce qu'on vient de s'écouter. Allez, on revient dans la bonne vieille Europe, on part du côté du Danemark, c'est pas souvent qu'on y va, donc on va en profiter avec un trio danois donc emmené par la très jolie et ancienne membre du groupe Efter Klang, c'est la danoise Anna Bronsted. Le groupe s'appelle Oh Broken Garden, musique je vais qualifier d'aquatique, tiens, est très envoûtante. L'album lui s'appelle Golden Sea et il sort chez Bella Union, ça sera le 18 octobre prochain. Un extrait, ça s'appelle Garden Grow. Et oui, c'est une histoire de jardinage, c'est comme ça. Yeah. We float around the world on an expandable basis. Dive into different lives that pass with so many faces. Live never-ending stories through our infinite places. To see and be and do it all. We're stuck in heavy traffic on the countable freeway. And you were one of few who stopped for me just to get away. But don't ring up the story that had brought me to this place. And you were one that took the call. Got so big and yet it just kept on growing. When would it ever stop? See, there was no way of knowing. We tried to pull a plug and still it kept overflowing. The setup that we seeded the fall. Every laugh, every whisper, every mountain, every blister, every pleasure, every fall. I remember it all. Every tear, every weekend, every moment, every second, every heartache, every call. I remember. Label Rock dans votre portable, Label Rock dans votre iPhone, Label Rock tout simplement dans vos oreilles. Et vous avez bien raison. Trio danois donc, au Broken Garden, Garden Grow. C'est le titre qu'on s'est écouté pour commencer cette petite série de 3 disques. L'album lui s'appelle Golden Sea. Il faudra attendre donc le 18 octobre chez Bella Union pour se procurer cet excellent disque. Et puis il faudra attendre aussi moins longtemps, le 21 septembre, c'est la date de sortie du nouvel album du trio australien Midnight Juggernauts. L'album s'appelle The Crystal Axis. Beaucoup d'improvisations sur ce dernier album, principalement dû à beaucoup de semaines d'expérimentation live avant de finalement enregistrer l'album à Melbourne. Au final, on peut dire que c'est de l'excellente pop, hein, comme d'habitude avec eux, avec une touche de rock progressif et des mélodies très aériennes et très aéré aussi d'ailleurs. Et puis quand même un petit peu de France, un petit peu de groupe français avec un nouveau groupe français qui a commencé sa carrière en 2009 en sortant un premier maxi. On les retrouve en 2010, il s'appelle Château Marmont. Château Marmont, le nouveau maxi qui s'intitule Nibiru. Voilà, 4 nouveaux titres qui étaient sortis au début de l'été sur un label qui s'appelle Institubes. J'ai l'impression que vous avez envie de danser ce soir, donc moi aussi, tiens, allez, on part du côté de la Russie, décidément beaucoup de voyages, et c'est l'heure de retrouver un petit peu de boom boom dans cette émission. DJ Generous, ça s'appelle Wonder Why, un remix signé Supernova. chose promis, chose due. J'espère que ces petites fesses ont bien bougé. Voilà, il faut danser, ça garde heureux et puis en plus ça nous permet de garder la ligne, c'est bien. DJ Generous, donc un DJ producteur russe, apparemment une star bien connue dans son pays, avec un titre qui s'appelle Wonderwise Supernova Remix. C'est quasi terminé pour la Belle Rock ce soir, on va rester avec une petite touche d'électro et puis faire redescendre comme ça un petit peu la soupe ce soir, donc on va y aller tranquillement avec trois maxi qui viennent de sortir. Sacha Funk pour commencer, nouveau, bah c'est le retour de l'allemand hein, tout simplement Sacha Funk, puisque c'est son premier maxi depuis 2008. On parlait de la Russie tiens tout à l'heure avec DJ Generous, et bien là la Russie encore une fois à l'honneur dans ce programme décidément ce soir, avec la chanteuse Nina Kravis qui vient pousser la chansonnette sur un des titres de ce nouveau maxi de Sacha Funk. Le résultat, c'est ce morceau Moses qu'on s'écoute tout de suite sur le label Bepitch Control, disponible depuis fin juillet. Label Rock. tranquillement. La Belle Rock. Tranquillement. I've been around, it's been plumbing in your cyclones. Kidnap your girl, now she got styrofoams. She on some shit, I could not console. I just wanted money, but she got the bone. And now that blabber mouth will not leave my cock alone. I'm so back with this that you might say it's sacrilege. You bitch that say no sound our corners, twist up in the packages. If you where the action is, nah, I can't be far behind. I'm getting mine, rain no shine, bitch. I'm getting mine and now let me go through with that. Fuck her, bitch, you sewer rat. You so fucking stupid that you say some shit, I say it back. Like, oh, if it's a heart attack, it happened at the heart of hope. And if you with me from beginning, that's the start, though. And they at me with like quarters, nicks, and dimes. I'm saying I'm feeling fine, I'm feeling great. And she a snowder, and that's okay. Baby girl, baby girl, you could girl no way. Sacha Funk pour commencer, nouveau, bah c'est le retour de l'allemand hein, tout simplement Sacha Funk, puisque c'est son premier maxi depuis 2008 avec la chanteuse Nina Kravis qui vient pousser la chansonnette sur un des titres de ce nouveau maxi de Sacha Funk sur le label Bepitch Control, disponible depuis fin juillet. Et puis juste après, je vous ai fait découvrir un groupe anglais qui s'appelle These New Puritans. C'était à l'occasion de la sortie de leur dernier album Hidden. Des singles ont été publiés depuis hein, puisque c'était sorti première moitié de l'année 2010. Le dernier en tout cas single en date, c'est ce titre Hologramme, remixé ici par les Américains de Salem. La Belle Rock ce coup-ci, c'est terminé. C'est l'heure de se dire bye bye et de se retrouver la semaine prochaine. On a commencé cette émission, souvenez-vous, avec un japonais du nom de Susumu Yokota. Et ben on va terminer avec un autre extrait du nouvel album de Susumu Yokota. L'album s'appelle Kaleidoscope. Je vous rappelle qu'il va sortir le 4 octobre prochain chez Low Recordings et qu'il est conseillé d'éteindre les lumières et de se laisser aller. Voilà ce qui est marqué sur le communiqué de presse. Et franchement, Virginie qui écrit ça ne s'est pas trompée. Et puisqu'il est bah justement l'heure d'éteindre la lumière, on va se quitter avec ça. Susumu Yokota, ça s'appelle Sprouting Symphony. Je vous laisse, je vous dis à la semaine prochaine. Et comme d'habitude, soyez sages. Mais oui, mais pas trop. Voilà. Ciao, ciao, à la semaine prochaine. Thank you. Label Rock, deux heures de son pas comme les autres.